Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Magic System. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Magic System, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour la dernière émission de la saison. Avec le Magic System en ce vendredi soir. C'est le dernier Planet Rap de la saison 2014-2015, avant les vacances. C'est dommage, la bonne chose ne dure pas. Ouais, mais ça fait du bien de se reposer aussi, les gars. Et puis attention, on vous a prévu aussi, il y a une belle surprise, où on retrouvera d'ailleurs peut-être le Magic System. On s'est replongé avec toute l'équipe de Planet Rap dans les différentes années, les différentes saisons de Planet Rap. Ouais. Et en vidéo, tous les jours, sur la chaîne officielle d'ailleurs de Planet Rap, YouTube, vous allez retrouver des images totalement inédites, des images même parfois qui ont 10, 14, 15 ans d'artistes qui sont passés ici. Je pense notamment à des gens comme Pharrell Williams, à redécouvrir il y a quelques années de ça ici dans le studio. Et ça, ce sera dès demain, donc tous les jours, hein, vraiment tous les jours, jusqu'au retour de Planet Rap à la radio. Sur le net, la chaîne YouTube de Planet Rap, vous aurez une petite vidéo aux alentours de 10h, 11h chaque matin pour vous réveiller pendant les vacances. Bien pour les auditeurs. Ouais, et pour tous ceux qui sont en manque de Planet Rap. Voilà. Comme vous, comme le Magic System. Ah ouais. Bon, tout va bien ? Ça va. En pleine forme pour cette dernière. Ouais. Avant de repartir en tournée, on filera les dates des tournées de Magic System d'ailleurs. Plein de tournées pendant le mois de juillet, le mois d'août surtout. On en parlera, on va passer des morceaux, on va continuer à découvrir Radio Africa. Ouais. On va faire un petit jeu avec vous quatre aussi, j'espère que vous êtes prêts. Il n'y a pas de problème, on est là. Et un petit jeu, c'est le petit jeu cahier de vacances de Planet Rap. Alors je sais pas, parce que cahier de vacances c'est quand même un truc très français. Hein. Ouais. Je sais pas s'il y a en Côte d'Ivoire les cahiers de vacances pour les écoliers. On a quand même des enfants. Ah bon ? Ah bon ? Vous avez des enfants ? Ah ouais. Mais petit. En Afrique. C'est les cahiers de vacances. Alors, non, je dis ça parce que c'est vrai que c'est une tradition très française pour le coup, les cahiers de vacances qu'on file aux écoliers enfants, pendant les vacances. Ça, ouais. Et c'est un gros carton, donc on fera un petit cahier de vacances pour le Magic System dans quelques minutes. Il n'y a pas de problème. On verra qui est avec plus... Magic System, ça c'est quand même. On va voir qui est le plus fort d'entre vous quatre dans quelques minutes. Et là, on débute comme chaque soir avec Enjaillé, c'est parti ? On y va. Ah non, juste avant, pardon. Ouais. Juste avant le morceau Enjaillé, on va se rappeler ce qui s'est passé durant toute la semaine avec vous. C'est le replay de la semaine. Allez, c'est parti. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. On a tous Enjaillé. On va bien s'enjailler. Là, on a bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale. Oh la calamale, ja, oh la calamale. Planet Rap. Feel the magic in the air. Est-ce que ça va? Ça va pas! On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens, c'est le Freddy Go. Planet Rap. Génération, il y a faux, il laisse nous passer. Faut pas nous blaguer. Ambiance du pays, on va faire bouger. Ma bouca d'un bolot, tu en connais. Mais maintenant, c'est le Zouglou. C'est le Zouglou. Bouger. Planète Rap. Qu'est-ce que tu attends, on va chanter. C'est parti, fou, tu es. Tu es fou, nous aussi on est fou. On va déconner, oh. On va s'enjailler, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu es fou, nous aussi on est fou. On va déconner, oh. On va s'enjailler, oh. Ah là, il s'en est passé des choses avec le Magic System cette semaine. Une belle semaine. Oui, belle semaine. Avec beaucoup de live. Ouais, et beaucoup d'ambiance surtout. Une bonne ambiance, un enjaillement total. Enjaillement total. Avec les invités aussi qui sont passés cette semaine, on les remercie. Peut-être qu'on aura même une autre surprise ce soir avant 21h. Oui, mais. Un petit coup de filet. Il faut dire merci à ceux qui sont déjà passés. Voilà, on va saluer ceux qui sont passés. Soufa qui est passé lundi, Soprano mardi, Mokobé mercredi. Mercredi. Ce soir, tout à l'heure, on aura une sœur. on vous dira pas. Ah oui, restez avec nous. Voilà, restez avec nous pour savoir de qui il s'agit. Ce sera donc tout... voilà, on termine une belle semaine. Radio Africaine dans les bacs. C'est depuis le 29 juin. Avec maintenant, c'est à vous de jouer. À vous c'est à vous de jouer. Et c'est un très bel album, franchement. C'est un album, on va d'ailleurs débuter avec un morceau qui s'appelle Enjaillé maintenant. Enjaillons-nous. Enjaillons-nous. Voilà. Total pour cette dernière, pour ce dernier Planète Rap ce soir entre 20 et 21 avec le Magic on System. Est tous enjaillés, on est tous enjaillés, on va bien s'enjailler, là on va bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale. Quel coffre, le Magic System avec nous entre 20h et 21h dans l'émission Radio Africa. C'est le projet, c'est un extrait du projet qu'on écoutait à l'instant avec le Magic System. Avec nous, avant de passer dans un instant à un autre extrait, qu'est-ce qu'on met d'ailleurs ce soir dans quelques minutes? Dans quelques minutes, on va mettre peut-être Soula. Soula, on avait parlé aussi Magic Rassi. Qu'est-ce qu'on avait Magic Rassi. Oui, Magic Rassi. On avait parlé aussi de mettre, je crois que c'était Emma, non? Oui, Emma. Voilà. Donc on a plein de morceaux, mais juste avant. Le petit cahier de vacances pour le Magic System. Petit quiz, vous allez voir, il va falloir être le plus rapide pour répondre. Avec quand même un programme allégé, hein, c'est le troisième numéro de ce cahier de vacances. Petit cours de vocabulaire en français. Okay. On va réviser les bases musicales du Magic System aussi. On y va. Et puis on finira par un exercice de la prononciation anglaise. Okay. Qui prononce le mieux en anglais dans l'équipe? Qui parle le mieux en anglais? All right. Let's go. Ready, go. Bon, alors attention, là ça commence très simple, il va falloir être très rapide. C'est des morceaux classiques, j'ai envie de dire, du Magic System. On va voir si vous connaissez tous vos morceaux par cœur. Ah oui. On a bipé à certains moments. Mm-hmm. Il faut évidemment donner ce qui manque. Allez, coup d'envoi, premier extrait. N'est pas Gaou. Deuxième Gaou qui est Nyatao. C'est pas maintenant, écoutez. Qu'est-ce que tu veux manger, oh? Donc on en a un de bon. On en a un de bon, c'est poulet braisé. Oh. Celui-ci il est bon et c'est unanime pour tout le groupe. Voilà. Mais dans la première partie, quand juste après ces deuxièmes gaou qui est Nyatao, j'ai dit Iip, qu'est-ce que tu veux manger? J'ai dit chéri coco. Voilà, chéri coco. Voilà. Chéri coco. Premier gaou n'est pas gaou. Yeah. ce deuxième gaou qui est Nyatao. Je dis chéri Coco, qu'est-ce que tu veux manger oh? Sans même hésiter oh. Elle me dit poulet braisé oh. C'est bon, celui-ci. Je dis premier gaou n'est pas gaou. Ah, bah, si vous nous faites le morceau, là, on est comblé. Donc tout, c'est, j'ai envie de dire un point pour toute l'équipe. Hein. Voilà. C'est unanime. Bon, attention maintenant, autre extrait. Après premier gaou, forcément un gaou à Oran. Vous n'êtes pas être décalé, il faut savoir se positionner. Ouais. Bon, il était simple celui-ci. Hein. C'est pas grave. Bah oui, c'est pour ne pas être décalé. N'appel extrait, bon, c'est pas grave. Deuxième point pour l'ensemble du Magic System. Attention, attention. Pour l'instant, vous connaissez premier gaou, un gaou orange. Mais est-ce que vous connaissez par cœur ces choses à brûle? Ah oui. C'est un dernier ghetto dans le Mambo à Paris. Chez nous, Abidjan, quand c'est comme ça, y'a la vie. C'est trop simple. C'est trop simple ce quiz. C'est trop simple. C'est l'ambiance du ghetto, y'a du Mambo à Paris. Ah voilà. Allez, quatrième extrait, on va prendre, on va accélérer. Extrait de Même pas fatigué, celui-ci aussi pareil. De nouveau à Paris pour changer la météo. On n'est pas fatigué, oh. Toutes les filles me disaient, oh. On ne peut s'empêcher avec un wifi le show. De jouer les belles go, go, go, go, go, go. On met l'ambiance, y'a pas de problème. Raleigh Magic System, ça c'est le son qu'on aime. Partout c'est la même, pas fatigué c'est le thème. Même pas fatigué, ce soir il faut danser. On va tout donner. Révision des classiques de Magic System. Parce que c'est même plus cahier de vacances, c'est la récréation hein, j'ai envie de dire. Allez, le dernier extrait, celui-ci. Feel the magic in the air. Allez, allez, allez. Levez les mains. Allez, allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Allez, allez, allez. Levez les mains. Allez, allez, allez, allez. Yes, le point global pour cette première épreuve au Magic System. Et c'est vrai que c'était simple hein. Ah oui, cool. Attention, attention, maintenant on va découvrir les classiques musicaux, mais les classiques musicaux africains. On y va. Donc là maintenant, cette fois-ci, c'est un blind test. Oui. C'est-à-dire que je veux l'artiste et le nom du morceau. Ok. Okay. Là, là, ça va se tendre un petit peu là. On compte sur toi, chacun je vais les battre. Oui, voir les artistes. Voir les artistes. Parce qu'il peut y avoir plusieurs artistes sur un même morceau. On y va. Prêt ? Attention, premier extrait. Césaria, chapeau pour la route à pied. Ah. Stromae, Césaria. Non mais j'hésite entre vous deux, je sais pas à qui donner le point. Bon, donne ça à goûter parce que moi je vais prendre la main. C'est bien, on a un point là. Attention, deuxième extrait. Ça c'est Césaria. C'est Césaria. Et vous restez. Et le morceau? Je t'aime beaucoup avec les nègres marrons. Petit pays. Petit pays avec les nègres. Tu manges beaucoup. Petit pays. Tu manges beaucoup. Bon, là, c'est un point commun. Là, c'est un point commun parce que tout le monde a donné la bonne réponse en même temps. Attention, attention, on complique. Troisième extrait. Salut, Keita. Je t'aime, mi amor. C'est mi amor. Salif Keita et 8 de points. Et qui était présent aussi? Penela. Ça c'est Salif Keita. Et Saudade. César Evora. Oui, bien sûr, César Evora aussi dessus. Ah d'accord. Bon mais j'avais jamais su ça. Ah, okay. Et je sais que je suis pas le seul qui savait pas ça. Alors. Attention, quatrième extrait, ça va aller très vite maintenant. Tikenja. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. partager le monde. Rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Qu'est-ce qu'il est terrible ce morceau, Tiken Jaffa Coli à l'instant. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Bon, autant vous dire que je ne sais plus du tout où on en est dans le compte de points. Donc là, on va tout départager sur ce dernier extrait. Bon, ça, c'est le super point. C'est-à-dire que celui qui a ça, il remporte tout. Bien sûr. Cinquième et dernier extrait. Ok. Oumou Sangaré. Non. Routier à Traoré. Ouais. C'est ça ? Jamais moi ! Bravo, Sabali à l'instant. C'est encore un sale faux. Un sale faux qui chope le point. C'est pas sérieux, sur c'est vrai. Pas sérieux, c'est vrai, mais. T'es connu, hein. Ouais. T'as pas regardé sur les fiches quand même. Non mais. Il a regardé. Allez, dernier, tu sais quoi, dernier exercice, celui-ci, ça va remettre les compteurs à zéro pour tout le monde. Tenez, je vous fais écouter cet extrait. Je vous donne tout le poids. C'est parti. Écoutez l'extrait. C'est le nouvel extrait de Pharrell. Ça s'appelle Freedom. Ah ouais? Non. Hold on to me. Don't let me go. Cheaters need to eat. Run into me. Your first name is King. Okay. Last name is Dumb. Les Américains vont finir par faire du bouffé des canettes. And everyone. C'est le coupé décalé de l'été de Pharrell. Ah, voilà. Le morceau s'appelle Freedom. Tiens, ça le faut, ça va faire le tour. Prochain. Qui prononce le mieux en anglais dans le groupe? Alors, Freedom, Freedom, Freedom. Là, vous avez freedom, écouté Freedom. Hold on to me. Don't let me go. Don't let me go. Killers need to hit. Après, les gars, vas-y, on vous écoute. Don't let you look. Alors je te disais que j'étais le meilleur en anglais. Écoute ça. Your first name is King. Yeah. Last name is Dumb. We chose to believe. In everyone. Là on a repeat after me. Hey, celui. Attends, on n'est pas ambassadeur de l'UNESCO pour rien. Quand c'est vrai, c'est l'UNESCO, vrai. L'UNESCO, c'est cinq langues qui se sont parlées. Je vais pas venir foutre la honte sur mon institution. Ah ouais. Bon, en tout cas, j'ai envie de dire bravo au groupe, bravo au Magic System. Vous avez votre passeport pour l'été. Passeport des cahiers de vacances, hein, je précise. On écoute un petit morceau ? Oui. On avait promis quel titre ? Manger classique. Manger classique. Ah bah c'est parti. C'est un morceau, c'est de qui ? Tiken Jaffa Coli. Tiken Jaffa Coli. Et ça, c'est un des morceaux les plus récents en fait, hein, de l'enregistrement. C'est le plus récent de l'enregistrement. Et ça, on s'assoit pas pour chanter ça. Ouais. Allez, c'est parti maintenant sur K-Rock. On a tout compris. Ah bon ? Allez-y aux hommes politiques. Ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. Allez, dis aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils la tissent, et après ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. Allez, dis aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. Allez, dis aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. Dans les destinations qu'on déplore, ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils activent, et après ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. Anouma yaye sisa, Ambola au Kalama. Anouma yaye. On a tout compris. Africa. Dans le bac, depuis le 29 juin. Ah ouais. Avec Magic System. Bonjour. Yeah. Comme des chameaux, dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'attissent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. C'est toujours le même scénario. On a tout compris. Les marchands d'illusions sont là. On a tout compris. Ils nous font rêver des beaux. On a tout compris. Ils achètent nos consciences. Quadre de miel. Madalomi, Dalomi Kambenda. On a tout compris. Madalomi, Manamana Kambenda. On a tout compris. Ungeta la Yemangando. On a tout compris. Ungeta la Yemangando. C'est ça qui est la vérité. Magic System qui reprennent justement Tiken Jaffa Coli. Autre artiste important aussi de la scène ivoirienne, hein, Tiken Jaffa Coli. Hein, c'est... Ouais, c'est très important. Même, d'ailleurs, qui a marqué une génération aussi. Notre génération, c'est la génération Tiken Jaffa. Mm-hmm. Il a marqué une génération avec son titre Magicratie. Et puis, il est resté constant dans sa carrière, dans ses productions. Et c'est quelqu'un à qui il fallait rendre hommage. Il ne faut pas rendre hommage qu'aux vieux, quoi. Ouais. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Bon, dans un instant, bougez pas, on revient. On passera à quel morceau, quel extrait de Radio Africa ? On va passer Emma. Emma, ne bougez pas, on en parle juste après ça. Planet Rap. L'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, en direct avec Magic System sur Skyrock. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Magic System pendant une heure complète. Ce soir, Planet Rap Magic System. Le Magic System toute la semaine entre 20h et 21h pour ce dernier numéro de la saison de Planet Rap avec le Magic System. Je suis content de finir avec vous les gars. Ben nous aussi. Hein. Avant de partir en vacances, sauf pour vous parce que vous, il n'y a pas de vacances. Non, il n'y a pas de vacances. Il y a quelques dates d'ailleurs qu'on va pouvoir filer dès maintenant aussi pour retrouver Magic System. Oui. Elles sont là, tu veux que je les file, tu veux les donner. C'est chaud là. Parce que depuis hier, nous avons reçu une plainte de Mouilleron, des habitants de Mouilleron et de Vaillé-sur-Andre qui sur Audre d'ailleurs. Vaillé-sur-Andre. Donc on va essayer de ne pas écorcher les noms en tout cas aujourd'hui. Oui, vas-y. Je tente. Ouais. 25 juillet pour retrouver Magic System, c'est aux Nuits du Sud du côté de Vence 06. C'est ça. 1er août à Berck-sur-Mer, le 2 août à Vaillé-sur-Audre. Exact. Le 22 août à Charnisay, le 29 août au Festival Solidarité avec Ayam à Namur en Belgique. Exact. 6 septembre, festival Facéci de Mouilleron, c'est voilà. À côté de la Roche-sur-Yon, donc en Vendée. Exact. Et 17 octobre, au Sirocco, au Havre. Voilà, pour l'instant, je suppose qu'il y a encore plein d'autres dates qui vont s'ajouter. Il y a plein d'autres dates qui viennent après, et ben ça, c'est. Voilà. Arrêtez-vous. Faut pas oublier aussi qu'il y a des dates en Afrique. Voilà. Ah, c'est les dates en Afrique, on peut pas citer les dates en Afrique. C'est quand aussi cet été, vous jouez beaucoup en Afrique là ? Ah ouais, beaucoup. À Brazzaville, à Dakar, à Libreville. Même à Abidjan. Hein. Même à Abidjan, hein, voilà. Donc, voilà, pas mal de dates. Même pour les Africains, pas de problème. On va donner les dates après. Ouais, puis il y a les dates, je suppose, sur les réseaux sociaux aussi pour suivre Magic System. Pour suivre, c'est le www.magicsystem.fr. C'est le site de Magic System. Il y a le Facebook aussi, Magic System officiel. Sur Twitter aussi, on peut nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On va écouter un morceau, on a dit Emma. Emma. Pourquoi tu fais ça, Emma? Pourquoi tu fais ça, une Emma? Une chanson. Des revendications qui est devenue une chanson d'amour par la magie de la musique. Et bon, on le balance maintenant. Et une nouvelle magie de la musique, c'est cette version de Magic System sur Radio Africa. Yeah. Dédicace à tous nos amis du Sénégal. Toujours. Emma, pour le Kunda Magic System. Emma, pourquoi tu fais ça? Emma, pourquoi tu fais ça? Tu joues avec le feu. Si tu fais ça, s'il faut pas toucher, oh là là, s'il faut pas toucher là, qu'est-ce que tu fais là? Si tu fais tu le sais, je contrôlerai pas. Ne m'en fais pas ça. Tu fais ce que tu fais. Ok, toi là, c'est que toi là. Ne m'en fais pas ça. Et ma bellissima, Emma, oh là là. Ne m'en fais pas ça. Tu serais là, Emma, tu connais serais là. Qu'est-ce que tu fais là? Emma, pourquoi tu fais ça? Emma, pourquoi tu fais ça? Yes, à l'instant, Emma, Magic System, vous le retrouvez sur Radio Africa. Dans quelques minutes, il y aura du live encore avec le Magic System. J'ai l'impression que vous faites tout en live d'ailleurs ce soir. Hein. C'est pour fêter cette dernière de la saison. C'est la dernière, donc voilà, on va à fond. Et Cordier du Havre par téléphone. Salut Cordier. Salut, ça va? Ça va, je te présente le Magic System avec nous. Yes. Tout se passe bien pour toi au Havre. Et d'ailleurs, vous serez bientôt au Havre, enfin bientôt, le 17 octobre, ouais, au Sirocco pour retrouver le Magic System au Havre, à pas louper. Qu'est-ce qu'il y a, Cordier? Non, c'est propre. Ah bah c'est propre, et ben on va écouter ton freestyle s'il est propre aussi. On t'écoute, c'est parti. Ça marche. Freestyle par téléphone, oui, mon pote. Yes. Yeah. Oh. Cordier. Eh, eh. Yo. Mm. Oh. Yeah. Oh. T'as une vie de merde, mon gars c'est la même pour tous, cous. Change mes stylos, mes profs sont à mes trousses. Tous pas, ne glousse pas, je suis dans la file, je te pousse. Sale et touche toi et range-toi comme une salope qui est tout stupide du rap sale. En plus ta gueule est immonde, on peut s'en faire soi-même, mais on peut pas refaire le monde. Gars écoute bien ton rose, pas les rappeurs ni les autres. Je suis pas unique poteau, je suis comme tout le monde, je fais des fautes. Y'a aucune notoriété, les meilleurs rappeurs n'ont pas percé. T'es pressé, qu'on passe sur le rap, pour les thunes reste au tiercé. Tu pas la bête, t'es pas qu'une pute. À mon goût t'as aucun charme, tu fais partie de ces gadgets qui m'envoient des slaps de leur chat. Si tu louches, bouge, couche. Si je te couche, y'a bouche cousue. Ouais, j'inquiète les gros, je manque de flou. On l'a pas tous, je suis pas égoïste, non. Je pense beaucoup à mon père, à ma première vente d'album. Je donnerai peut-être une pour ma mère. Oh. Yeah. Ok, Cordier à l'instant. Merci à toi, mon pote, pour le freestyle par téléphone. Bravo. Merci. Tu étais le dernier freestyler de la saison. Merci à toi et merci à tous ceux qui passent. D'ailleurs, j'en profite aussi, tous ceux qui viennent rapper, parce que je sais que c'est pas évident. Les instrus, ouais, décalés, machin, etc. Donc bravo en tout cas d'être là et de saison en saison. Toujours de faire partie de l'émission, tout comme toi, Cordier, et tous ceux qui ont pu passer durant cette année 2014-2015. Ouais, merci. On peut te retrouver sur le net, Cordier, quelque part? Ouais, sur Facebook, Cordier. Sur Twitter, Cordier Officiel. Et il y a Instagram aussi, Cordier Officiel. Eh ben merci à toi, Cordier. Passe de bonnes vacances si c'est le cas. Merci à toi aussi. A plus, ciao ciao. Le Planète Rap avec Magic System. Je crois que c'est bientôt prêt ou pas? Nous avons une petite, surprise, enfin qui n'est pas une surprise, parce que ça, vous êtes au courant, mais ouais, un petit dernier coucou avec une artiste qui vous tient à cœur. C'est la famille, ouais. Mmh. Donc ça nous fait plaisir de l'entendre parce que ça aurait pas été bien de faire tout ce Planète Rap sans l'entendre. Et on avait souhaité qu'elle participe avec nous à cette émission. Et si elle est là, ouais, c'est bon, ça va nous faire plaisir. Dans un instant, sinon, quel morceau on va mettre aussi du Magic System ce soir? Quel titre on avait promis? Je sais que vous allez faire Enjaillé en live dans quelques minutes. Ouais, on va faire Enjaillé. Soulard aussi, on avait promis. Ah, Soulard. On va mettre Soulard dans un instant. Voilà. J'allais faire une transition, mais là, ça va pas avec Zao en même temps. Allô Zao, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça fait plaisir de t'entendre dans le Planète Rap du Magic System. Applaudissements pour Zao. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Et je sais que tu es très pressé ce soir parce que tu es en répétition. Tu n'arrêtes exactement. Pas de répéter. Eh ben, écoute, il faut pas qu'il entende le metteur en scène, mais je me suis échappé pendant qu'il fait un débrief. Donc là, c'est pour vous dire. Alors, pourquoi c'était important d'avoir Zao dans le Planète Rap, au moins par téléphone, Magic System? Ben, parce que Zao, c'est déjà, je dirais, une sœur. Chez nous, en Afrique, quand on est bien avec quelqu'un, c'est une sœur, même si c'est pas biologique. Et puis, de deux, Zao nous a épatés parce qu'elle a accepté de venir à notre festival cette année. À Numambo. Mmh. Elle a surpris tout le monde. Et elle aussi, elle a repris un titre d'Alpha Blondy sur scène. C'était Brigadier Sabari, qui était, je crois, que l'un des moments phares du festival. Donc, quand on faisait Radio Africa, on a pensé à tous ceux qui ont eu un clin d'œil pour cette musique africaine. C'est pourquoi j'ai voulu. C'est gentil, Salfo. Merci beaucoup, Zao. T'as forcément un souvenir, Zao, de ce festival, déjà, le festival qui est incroyable. Ah, hein. Bah oui, c'était le feu. Franchement, je n'ai pas de mots pour décrire le public africain. Déjà, il y avait je ne sais plus combien de milliers de personnes présentes. C'était génial. Effectivement, j'étais sur le terrain des Magic System, donc forcément. Oui, je viens en tant qu'ambassadrice, mes petites ambassadrices, on va dire, et franchement, j'ai eu un accueil magnifique, au-delà de mes espérances, et surtout, je tiens à préciser que j'ai très bien mangé avec les Magic le lendemain. Hein et on a mangé avec les mains un très bon tiède. Voilà. Ah ouais. Et une raison de plus que j'aille là-bas l'an prochain. Tu vois, Zao, on était en train de dire à Fred, il faut qu'il vienne parce que là, il n'a pas encore vu la. Mais arrête parler. De lui dire ça, il va repartir avec Cathy Voirienne, tu vas rien comprendre. Ou 5. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Hein. Non, elle a dit 4 parce que Magic System, on est 4. Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais elle connaît mes talents de danseur, en fait. Elle connaît mes talents de danseur. Elle sait que je peux faire très mal à Abidjan si j'arrive là-bas. Ah, j'ai vu son déhanché. Je ne dis pas que c'est du coupé décalé. C'est que du décalé. C'est que du décalé. Moi, c'est un style particulier. Il n'y a pas de coupé. Tout est décalé. Sur le beat, tu vois. Il y a que du décalé. Il y a le battement, la musique, et lui, il danse à côté. Donc, c'est du décalé. Ah, d'accord. Mais c'est de quoi tu parles. C'est un style que je compte lancer et rivaliser avec les meilleurs à Abidjan là-bas prochainement. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir, Zao, parce que je sais que donc là tu bosses sur le roi, les aventures. Les aventures, la légende du roi. La légende. Arthur, et tout le monde m'appelle pour faire le débrief. Donc je vais devoir y aller, vas-y, les vas-y. Amis. On te fait un bisou. Et merci. Je vous fais de gros bisous. On est avec vous de tout cœur et puis on lâche rien. Et je viendrai te voir le spectacle avec ma plus belle chemise. Je vous mets à tous des places pour venir voir le avec spectacle. Avec ma plus belle chemise, Zao. Tu ne verras que la chemise dans le public. Et tu sais quoi, Fred? Fais même gagner une place à quelqu'un. Et bien, avec grand plaisir. Du public. C'est à partir de quand? Juste un petit mot, Zao. C'est à partir de quand pour te voir? Du 17 septembre au Palais des Congrès, tous les soirs, les amis, on y est. Ah, on viendra te soutenir, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Allez, va bosser, Zao, bon courage. Bisous, merci, ciao, les amis, je vous aime. Allez, merci d'avoir été avec nous, Zao. En tout cas, c'est toujours plaisir d'entendre Zao. Pareil qu'elle est aussi, qui a une histoire incroyable, justement, quitter l'Algérie, partir au Canada, voilà, qui fait partie de l'histoire de sa vie, qu'elle a racontée d'ailleurs dans ses albums, dans certains de ses morceaux. Tout grand artiste doit avoir une histoire. On ne peut pas faire une carrière sans avoir une histoire derrière. Et puis, il ne faut pas maquiller l'histoire. Et ça, c'est important. C'est ce que Magic System a toujours su faire. Moi, je voyais sur les réseaux sociaux, sur le site, des gens qui disaient, mais Magic System à Planète Rap, mais c'est quoi au fait? Parce que Planète Rap, c'est pour des rappeurs et tout. J'ai envie de dire aux gens que Magic System a une philosophie qui s'adapte au rap aujourd'hui. Le zouglou est ce que le rap est en France. Et puis surtout que c'est pas la première fois que vous venez dans Planète Rap. C'est pas la première fois. C'est la proximité et nous avons des messages à faire passer. Nous sommes des enfants du ghetto et le rap est une musique du ghetto. Bien sûr, le zouglou est une musique. Et puis Planète Rap, ça ne peut pas être que du rap tout au long de l'année. Voilà. Il faut qu'il y ait des chanteurs. Il faut qu'on aille un peu plus loin. D'ailleurs, on a fait des Planète Rap Rail aussi avec des artistes issus du rail. Voilà. Qui ont aussi alimenté cette culture parce que on oublie plein de choses. Mais voilà, toute cette culture, tout ce rap aussi a été puisé en Afrique, évidemment, au Maghreb, un peu partout. Exactement. Un peu aux États-Unis aussi, évidemment. Il y a côté culture américaine. Mais nous, ici en France, c'est vrai que le rap est particulier. C'est particulier. Et a une saveur particulière et beaucoup de ses sonorités viennent d'Afrique, ça c'est clair. Exact. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je dis, la plupart de nos amis, la plupart de nos collaborations, c'est des rappeurs. C'est Mokobé, c'est Youssoupha, c'est Soprano, c'est Jim, c'est tout le monde qui travaille. Et vous voyez qu'aujourd'hui, je suis content que tous ceux-là se retournent vers la musique africaine pour tirer quelque chose parce qu'il y a de la richesse là-bas, il y a de la valeur à tirer là-bas. Et puis en dehors de ça, ça fait toujours plaisir de vous recevoir et vous êtes toujours les bienvenus ici. Merci, avec merci, grand plaisir. Merci beaucoup. On écoute Soulard. Okay. Ah, Soulard. Ah, Soulard. Allez, c'est parti. Dédié à Bernie. Une reprise d'un autre Zao. Le Zao. C'est une belle transition, hein. Soulard. Moi, je ne suis pas un Soulard. Moi je suis soulagé. l'instant, Magic System avec nous entre 20 et 21 avant de se quitter sur Skyrock. Le Magic System est là avec nous, on fera tourner la roulette d'ici quelques minutes. Un petit point aussi sur l'avenir du Magic System. C'est vendredi, on va parler aussi un petit peu d'avenir. Donc l'avenir, si j'ai cru comprendre, il y a un bouquin qui arrivera d'ici 2 ans. Oui, on prépare le bouquin sur la vie des Magic System pour les 20 ans de carrière. Il y a aussi le projet Enjaillement Fever qu'on va mettre en place. Un gros projet qui va avoir une collaboration entre les artistes africains et ceux de la diaspora. Et puis aussi à la préparation de l'album de 20 ans de carrière de Magic System. Ce sera un album aussi des inédits ou vous allez revenir sur certains morceaux? Non, c'est des inédits. C'est des inédits que nous allons faire pour ces 20 années de carrière. Comme quoi pour faire le bilan. Et puis il y a toujours ce festival, c'est vrai, parce que derrière le festival, il y a aussi beaucoup de choses, et notamment dans le côté humanitaire et apporter de l'école, apporter de l'éducation, justement. Oui, le festival de musique urbaine d'Anoumambo, le FEMUA, qui a lieu tous les ans au mois d'avril à Abidjan, et puis qui nous permet chaque année de construire une école. C'est un slogan pour nous. À chaque édition, une école. Une école, ouais. Voilà, là, nous sommes à 3 écoles. Et voilà, on espère que les années à venir, on pourra encore et on va continuer à construire des écoles. Parce que pour nous, on suit l'adage qui dit que construire une école, c'est fermer une prison. Ouais. Et construisons beaucoup d'écoles. Voilà. J'ai envie de dire. Mais là-bas, ici, un peu partout aussi. Voilà. Oui, c'est ça, c'est important. L'éducation est importante, quel qu'en soit l'endroit ou le lieu. Voilà. Est-ce qu'on est prêt pour le dernier live ce soir? On se fait un petit coup d'enjaillé. Allez, enjaillé. Un enjaillement total. On y va. Allez, c'est parti. Magic System en live dans l'émission. On est tous enjaillés, on est tous enjaillés. On va bien s'enjailler là, on va bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale, oh la calamale, là, oh la calamale. On est tous enjaillés, on est tous enjaillés. On va bien s'enjailler là, on va bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale, oh la calamale, là, oh la calamale. Fatigué, tu veux pas bouger ta douce qui est là. Yana yana de ça, yana yana de ça là, yana yana là. Yana yana de ça, yana yana de ça là, yana yana là. Si t'es pas chaud, tu veux pas danser, nous on va te balayer. Balayer, balayer. Tu es fatigué, tu veux pas bouger, nous on va te bousculer. On est chaud ici ou là, on va te bousculer. On est tous en jaillé, on est tous en jaillé. On va bien s'enjailler là, on va bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale, oh la calamale, là, oh la calamale. On est tous enjaillés, on est tous enjaillés. On va bien s'enjailler là, on va bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale, oh la calamale, là, oh la calamale. Suna, mama, segui, mama, segui. Souna, on n'est jamais lessivé. On est toujours enjaillé. On n'est jamais lessivé. On est toujours enjaillé. On n'est jamais lessivé. On est toujours enjaillé. On n'est jamais lessivé. On est tous enjaillés, on est tous enjaillés. On va bien s'enjailler là, on va bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale, oh la calamale, là, oh la calamale. On est tous enjaillés, on est tous enjaillés. On va bien s'enjailler là, on va bien s'enjailler. Oh la calamale, oh la calamale. Yeah, le Magic System est enjaillé. Vous le retrouvez sur Radio Africa, le projet du Magic System. Merci à vous pour cette belle semaine. Belle semaine, merci à vous aussi. Et puis on dit merci à tous les auditeurs de Skyrock. Ouais. Et dit que l'album Radio Africa est dans les bacs. C'est ça, depuis le 29 juin. Voilà, avec 12 titres bien enlevés. C'est la reprise de tous les classiques africains. Vous pouvez trouver votre album. Passez de bonnes vacances en compagnie de Radio Africa. Eh bah terrible. Et avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre Black M et Big Fréoli aux arènes de Bayonne. Plus tes 3 places de ciné, l'épreuve 2. Paul de Jalais, comment ça va Paul? Ça va très bien, ça va très bien et toi? En forme pour le Magic System? Ouais, très bien. Et bah c'est parti maintenant, on y va. Tu es prêt à faire tourner la roulette? Je suis prêt. Stop! La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et bah c'est la totale, concert 23-24 juillet, c'est pour toi la semaine prochaine aux arènes merci, Bayonne c'est avec parfait. Big Flo et Oli et Black M et puis des places pour aller voir les profs 2 au cinéma. Merci à toi Paul. Bah, merci à vous. Et bonnes vacances. Ouais bah vous aussi. Ciao, ouais bah bonnes vacances, vacances sur les routes pour le Magic System, on l'a dit. Ouais. L'album Radio Africa, merci à vous tous d'avoir suivi. Je voulais aussi m'adresser évidemment à tous ceux qui suivent Planète Rap chaque saison de plus en plus nombreux, merci vraiment à vous tous. Merci. Rendez-vous la semaine du 17 août, c'est ça hein, 17 août hein, retour de Planète Rap. Merci à mes deux fabs qui étaient là comme d'hab pendant cette saison, Steve qui était là, qui ont passé une grosse dédicace aussi, qui était là pendant quelques mois avec nous, et bah peut-être à très vite aussi Steve. Et merci à tous ceux qui participent voilà, à l'émission, à Momo, évidemment, Momo, Lila, Momo, c'est unanime Momo. Lila aussi qui ont fait un bisou à Damien, qui j'ai pu oublier parce que tu oublies forcément des gens et après tu te fais taper dessus. À Laurent évidemment qui fait la programmation de Planète Rap. Et ben voilà, j'ai fait le tour. Anthony aussi. Qui vient de temps en temps filmer avec nous, voilà. Et puis merci à tous ceux qui passent, à vous tous. Rancard pour une nouvelle saison, Planète Rap 2015-2016, ce sera à partir du 17 août. Et puis je vous le disais, dès demain et tous les jours, aux alentours de 10h, 11h sur la chaîne YouTube de Planète Rap, des petites vidéos inédites collector. Rendez-vous dès demain, vous verrez. Enjaillez-vous. Histoire de patienter, vous allez pouvoir vous enjailler sur la chaîne YouTube de Planète Rap. Merci à vous le Magic System. Merci à Bernie aussi qui en passe une dédicace. À Cécile, qui était là, je sais pas si vous avez vu la chorégraphie sur Enjaillé, c'était magnifique. Waouh. On pourrait la découvrir dans un instant sur le net, on vous balance la vidéo du live de Magic System. Et là on va retrouver D-Fool, c'est parti, l'heure de la radio libre, pareil les meilleurs moments de l'été, D-Fool et toute l'équipe, ciao. Total respect, zéro limite, radio libre, tous les soirs.